42. Portrait de maîtresse. Dans un boudoir d'homme, c'est-à-dire dans un fumoir, attenant à un élégant tripot, quatre hommes fumaient et buvaient. Il était précisément ni jeune, ni vieux, ni beau, ni laid. Mais, vieux ou jeune, il portait cette distinction, non méconnaissable, des vétérans de la joie. Cet indescriptible je ne sais quoi, cette tristesse froide et railleuse qui dit clairement « Nous avons fortement vécu. » Et nous cherchons ce que nous pourrions aimer et estimer. » L'un d'eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il eût été plus philosophique de n'en pas parler du tout. Mais il y a des gens d'esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. On écoute alors celui qui parle, comme on écouterait de la musique de danse. « Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu l'âge de chérubin. C'est l'époque où, faute de dryade, on embrasse, sans dégoût, le tronc des chênes. C'est le premier degré de l'amour. Au second degré, on commence à choisir. Pouvoir délibérer, c'est déjà une décadence. C'est alors qu'on recherche décidément la beauté. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d'être arrivé depuis longtemps, à l'époque climatérique du troisième degré, où la beauté elle-même ne suffit plus, si elle n'est assaisonnée par le parfum, la parure, etc. J'avouerai même que j'aspire parfois comme à un bonheur inconnu, à un certain quatrième degré qui doit marquer le calme absolu. Mais, durant toute ma vie, excepté à l'âge de chérubin, j'ai été plus sensible que tout autre à l'énervante sottise, à l'irritante médiocrité des femmes. Ce que j'aime surtout dans les animaux, c'est leur candeur. Jugez donc combien j'ai dû souffrir pour ma dernière maîtresse. »